Chapitre deuxième. Hélas, c'était justement cette fête de la vie, de la nature et dans l'Église, dans le ciel visible et dans l'invisible, qui accablait la jeune femme d'une plus cruelle mélancolie par ce miraculeux matin de Pâques. Le sombre crêpe dont elle était vêtue, et qui parait d'une grâce attendrissante sa délicate beauté blonde, racontait un deuil, porté plus désespérément dans son cœur. Ses 12 yeux bleus, presque ternis d'avoir trop pleuré, semblait blessé par le rayonnant éclat du beau jour. Son front pâli se voilait d'une pensée plus douloureuse à chaque sonnerie de la cloche. Elle avait perdu un fils, son unique fils, 4 mois auparavant, et dans cette âme de mère, la blessure ouverte saignait davantage à regarder cette féerie du printemps nouveau que son cher André ne verrait pas, à écouter cet appel vers un Dieu qu'elle ne priait plus, qu'elle ne pouvait plus prier depuis qu'il lui avait pris son enfant. Assise sur la chaude terrasse, elle regardait de ce machinal et indifférent regard de désespoir. De tous les points de l'admirable horizon, des images s'élevaient pour elle, et des cortèges d'idées suivaient ces images qui lui rendaient plus précis, plus intolérables les moindres détails de son malheur. Cette mort presque soudaine d'un garçon de 6 ans, emporté par une méningite en quelques jours, c'était déjà une bien dure épreuve. Des circonstances personnelles en avaient aggravé le poids encore, et la jeune femme les réalisait à nouveau, une par une, devant ce paysage chargé pour elle de tant de passé. Cette eau miroitante du paisible golfe, c'était la mer, l'infranchissable mer, sur laquelle Ludovic de Fresnes, son mari, avait dû partir pour l'Extrême-Orient 10 mois plus tôt. Elle avait accompagné le lieutenant de vaisseau à Toulon, épouse si tourmentée, mère si heureuse. Et maintenant qu'elle aurait eu tant besoin de lui, pour supporter l'horrible chose, des milliers et des milliers de lieues les séparaient l'un de l'autre. Quand reviendrait-il lui dire les paroles qui lui rendraient le courage de vivre pour faire son devoir? Quel devoir! Le son de la cloche qui annonçait la messe, à laquelle sa révolte intérieure l'empêchait d'assister, le lui répétait trop nettement. Si Madame de Fresnes s'était mise debout, elle aurait pu, sur le ruban de route, qui de la porte de la villa serpente à travers les bois jusque vers la chapelle, apercevoir une voiture traînée par un poney, et dans cette voiture, 2 enfants en deuil comme elle, un garçon de 9 ans, une fillette de 8. Ces 2 enfants, Guy et Alice, étaient ceux de son mari, qu'ils avaient eu d'un premier mariage. Elle se souvenait, quand elle avait épousé l'officier de marine, qui était en même temps son cousin, comme la pitié pour les 2 orphelins avait été sincère en elle, comme toute sa conscience s'était tendue à leur remplacer la morte, au point qu'à leur âge de 9 et 10 ans, ils ignoraient qu'elle ne fût pas leur vraie mère. Quand elle avait eu elle-même un fils, avec quel scrupule elle s'était appliquée à ne jamais montrer une préférence à celui-ci. Elle n'avait même pas eu besoin d'efforts. Tant que les 3 blondes têtes avaient couru, joué, ri autour d'elle, son cœur s'était naturellement partagé entre elles 3. Pourquoi n'en était-il plus ainsi maintenant? Pourquoi? La jeune femme n'avait qu'à se tourner à gauche, vers un point qu'elle connaissait trop bien, pour avoir la réponse à cette question. Là-bas, par-delà les dernières maisons de la ville, une dépression marquait le creux d'une vallée, celle du cimetière. Depuis le jour où elle avait vu de ses yeux, son courage était allé jusque-là, le petit cercueil de son pauvre André glissait le long des cordes, dans le caveau fraîchement creusé. Une atroce impression s'était emparée d'elle, qu'en vain elle avait combattu, qu'elle combattait toujours et toujours en vain. Et par cette matinée de fête, elle l'avait sentie plus forte dans son cœur. Elle ne pouvait pardonner aux 2 enfants de son mari d'être gai, d'être jeune, de marcher, de parler, de respirer, d'exister enfin, tandis que l'autre, le petit, son petit, gisait immobile dans sa tombe. Elle n'avait pas seulement cessé de les aimer. Par moments, il lui semblait, et tout son être en frissonnait de remords, qu'elle les haïssait, comme s'ils eussent volé à l'absence sa part de joie, de santé, de lumière. De les entendre l'appeler maman lui donnait une maladie et cruelle envie de leur crier « Taisez-vous, je ne suis pas votre mère !» Afin que ces 2 syllabes ne lui fussent plus adressées par personne, puisque la chère et fine bouche qui seule avait le droit de les prononcer vraiment ne devait jamais les lui redire. Ce matin, cette passionnée rancune contre ses beaux enfants l'avait remuée plus profondément. Elle avait voulu, comme les autres années, leur remettre elle-même leurs œufs de Pâques. Elle pouvait se rendre cette justice, en effet. Plus cette injuste haine grandissait dans son âme, plus elle appliquait son énergie à n'en rien trahir dans ses actes. Les enfants étaient donc venus dans sa chambre. Elle avait vu leurs yeux éclairés par la fièvre de l'impatience, leurs mains ouvrir en tremblant les gros œufs de bois coloriés, leurs visages s'extasier devant les objets qu'elle leur avait choisis. Une jolie épingle pour le petit garçon, une chaîne avec une croix pour la fille. Dieu ! Les innocents mais les durs bourreaux ! Et qui lui avaient retourné le couteau dans le cœur, rien qu'à lui montrer leur joie naïve, ce plaisir de vivre et d'être au monde, qui égayait même leurs vêtements noirs. L'autre lui était apparu en pensée avec un reproche d'être oublié dans ses yeux sans chaleur. Un sanglot lui était monté à la gorge, qu'elle avait eu pourtant la force d'étouffer, et c'est pour tromper un peu cette surprise aiguë de sa douleur qu'elle était venue seule, tandis que Guy et Alice se rendaient à la messe, s'asseoir sur cette terrasse déserte. N'aurait-elle pas dû savoir pourtant que sa plaie intime s'avivrait dans cette félicité de toute la nature au lieu de s'y endormir ?